J'entendis une voix qui venait de son trône qui disait: Holy, holy, I'm holy. Saint, saint, saint, je suis saint. Sois saint comme je suis saint. Je dis: Seigneur, comment devenir saint? Il me dit: mon sang te sanctifie. Alors accepte d'être saint. Je dis: Seigneur, j'accepte d'être saint. Et j'entendis cette mélodie venant de son trône où les anges le chantaient. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy is the gloire et pouvoir.